Voilà les points mortels. Le trait montre l'endroit où il faut frapper pour tuer un type. Tu frappes ici, ou là, la mort sera lente et douloureuse. Mais si tu le frappes ici, ou là, il crève sur le coup. Ok, donne-moi de la rage pour que je puisse t'écrire, connard. Ici t'es pas en mesure, comme tu peux le voir dans ma zone, y'a pas de star. Juste des calibres qui font star. On dit de gérant par la nuit en bas dans nos espoirs. Ça ne date pas d'hier, le pire. Mat les faits divers de ma ligne de mire. Un dernier souffle pour que les portes de l'enfer s'ouvrent. Et d'être dans les langues de pute souffle. De ton blasphème, j'entends parler. Et c'est souvent le même problème. Les mêmes losers qui reviennent avec tant de regrets. Tu connais les règles, chut, le prix à payer. Forcément, c'est ce qui arrivera à ta vie quand il s'agit de vouloir tester le danger. Vas-y, viens, donne-moi de la rage. Ici, pas besoin d'amour et de lâche. À l'ancienne, faut que ça arrache. Reste tête baissée pour ceux qui s'ajoutent petite star et pétasse. Enfoiré, on t'en aura payé si on n'a pas le dos tourné. Rien à battre, les putes de langue parlent. J'ai de la rage comme ceux qui ne croient pas en nous. La triade, voilà ce qu'on a dans le ventre. Autant de tout aussi fort que Joe Foreman. Fidèle au combat, c'est sur le ring qu'on sait ce qu'on est. Donne-moi de la rage contre cette loi martiale. Donne-moi de la rage envers ces actes et qui blasphèment. Tous ceux qui veulent nous falsifier. Une pour tous ces bavures policières. De la rage depuis mon plus jeune âge, rien à perdre. Même s'il faut que ça tourne au dérapage. De la rage, si tu comprends qu'est-ce que c'est. On se fout du fond et de la forme. Même si pour toi ce qu'on fait c'est hors norme. Je te choque, te provoque et en plus te frappe. Donne-moi de la rage face à ces vantards qui rappent tant de choses qui ne vivent même pas. J'ai de la rage comme si je sortais une tôle. On se fout, lève le troisième doigt face à ceux qui se prennent pour des idoles. Donne-nous de la rage, voilà ce qu'on raffole. Donne-moi de la rage. MC, c'est pas fini, hey, wa. La vengeance est un buffet qui se mange pas. Donne-moi de la rage. Voilà les sales gosses qui fait monter la rage. Sur seul entrant en mage, rage. Donne-moi de la rage. Pas d'amour, pas de paix pour les chemins. Tu nous reconnais qu'ils aillent se faire mettre. Donne-moi de la rage. Voici nos comptes rendus de manière claire. Et jamais de ceux qui se sont vendus. MC, je vois que tu flippes à en devenir complètement parano. Chaud, tu transpires. Voilà la vérité, transperce tes souvenirs. Et ça t'empêche même de dormir. Le pire dans tout ça, c'est qu'après ça, tu cherches à t'enfuir. Mais pour aller où dans ce cas? Je te le dis clairement, c'est peine perdue. T'as vu? C'est comme les balances. On te coince et on te pince dans le coffre. Un coup de crosse sur la tête, on tire, on balance dans le vide. Prête, je t'emmerde, très rentable. Le constat est navrant, jadis. Et nous, de même, à base de lyrics toxiques, on vise. L'ennemi en plein cœur, d'ailleurs, chaud. C'est sur le rythme qu'on se retrouve. Et pas dans un featuring lâche. Toi, t'aimes pas notre langage. La rage, la haine, voilà quoi ça parle en ce qui te concerne. Tu sèmes et tu récoltes le seum, on ferait un mur sur sa consterne ordure. Tu connais ma créature. Donne-moi de la rage. MC, c'est pas fini, hey, wa. La vengeance est un buffet qui se mange pas. Donne-moi de la rage. Voilà les sales gosses qui fait monter la rage. Sur seul entrant en mage, rage. Donne-moi de la rage. Pas d'amour, pas de paix pour les chemins. Tu nous reconnais qu'ils aillent se faire mettre. Donne-moi de la rage. Voici nos comptes rendus de manière claire. Et jamais de ceux qui se sont vendus. Donne-moi de la rage. Que j'envoie la charge des MC sauvages. Qu'ils viennent ici s'ils ont le courage. On bombe comme une prise d'otage. On se fâche. Avec suffrage, on fait du triage. Donne-moi de la rage, qu'on reste dans le frais. Sur SMS, on t'envoie cet extrait. Sur Mike, qu'on puisse rester. Donne-moi de la rage, pareil qu'il y a des petites pisseuses qui parlent sur nous. Pareil qu'ils veulent nous falsifier et pas nous voir percer. Quand ils se mettent à table, ils tournent le dos. La triade attaque de ton côté. Seule solution est postée. Avec tant de rage sur les mots qu'on prend d'autorité. Tel que nos hadras de quartier. Comme pour mes frères Curry Game. Elle se la ramène de la rue de Vienne. Elle cible les mêmes quartiers, je reste Georges Moreau. Elle nous percute dans leur. C'est comme ça. Avec tout cela, donne-moi de la rage. Donne-moi de la rage. MC, c'est pas fini, hey, wa. La vengeance est un buffet qui se mange pas. Donne-moi de la rage. Voilà les sales gosses qui fait monter la rage. Sur seul entrant en mage, rage. Donne-moi de la rage. Pas d'amour, pas de paix pour les chemins. Tu nous reconnais qu'ils aillent se faire mettre. Donne-moi de la rage. Voici nos comptes rendus de manière claire. Et jamais de ceux qui se sont vendus.